Sud FM, la revue des hebdomadaires. Bonjour à tous, bienvenue chez vous, Baba Diop pour la revue des hebdomadaires. C'est aujourd'hui que l'on connaîtra le successeur de Diouf à la tête de la francophonie. Le chroniqueur de la Gazette dit que sur la kyrielle de questions qui pullulent autour du 15e sommet figure en bonne place celle du casting pour le poste de secrétaire général. Évidemment, ce n'est guère surprenant que l'Afrique, qui occupe cette fonction depuis sa création en 1999, ne puisse jamais s'accorder autour d'un seul nom. Mais cette fois-ci, dit encore le chroniqueur de la Gazette, le risque de perdre à jamais l'opportunité à elle offerte par le pacte non écrit de Hanoï se précise et qui voudrait que le poste de secrétaire général soit réservé au Sud, et le chroniqueur de suggérer à l'Organisation internationale de la francophonie de copier l'indiscutable influence du Commonwealth où le secrétariat général a toujours été occupé par un ancien ministre ou diplomate de haut rang et dont la fondation sur les bases de l'économie du marché a fini de refaire l'autorité et l'utilité mondiale de l'organisation. Attention donc aux impairs, finit par dire le chroniqueur de la Gazette. Francophonie, combien ça coûte ? Et Nouvel Horizon d'afficher en couverture les portraits de Macky Sall et Hollande, de Chirac et Diouf, de Senghor et de Gaulle. Francophonie, combien ça rapporte ? Nouvel Horizon dit que cette fois-ci, les chefs de l'État ont adopté un thème qui leur permet d'aborder l'économie par le biais des femmes et des jeunes, censés être des vecteurs de paix et de développement. Dakar, pour ce Nouvel Horizon, devrait être un tournant pour la francophonie, car l'on penche de plus en plus vers les problèmes de développement. Non, parce que la francophonie de Senghor a péché sur le plan culturel, ou celle de Diouf n'a pas pris le bon virage diplomatique, mais tout simplement parce que cette francophonie à Bourguiba, Senghor et Diouri, mérite d'être dépoussiérée, pour qu'enfin on se rende compte qu'elle ne se mange pas. Conclut Nouvel Horizon. Wasser Halat se penche sur les mémoires de Diouf pour mettre en évidence ce que Abdou Diouf a omis de dire sur Ouad, et Wasser Halat de présenter Ouad sous les aspects du génie politique, parce qu'il s'est gagné en perdant. Il est encore un artisan de la guerre des tranchées, fait observer Wasser Halat. Pour la Gazette, Ouad ouvre la voie de la présidentielle 2017 aux libéraux et que la réussite du meeting est un pas important de la Ouadi sur le chemin de la présidentielle à venir. La machine devant faire face à Ben Bokeyakar a fait son show le 21 novembre. C'est clair, dit la Gazette, de tous les génies dont l'ancien président se flatte, au point d'en faire un ouvrage, le met carrément hors du commun. Il s'agit de son incroyable talent à monter des coalitions politiques. Le 21 novembre, Ouad a de nouveau étalé toute sa classe à rassembler à son seul profit. Nouvel Horizon se demande qui, pour 2017, dirigera le Parti démocratique sénégalais. De Ouad, cette succession a toujours été remisée, mais inéluctable. Il est encore remis au goût du jour par Babacar Gaye, qui pense que Karim Ouad est le candidat le mieux placé pour la présidentielle de 2017. Mais il ne fait pas l'unanimité, précise Nouvel Horizon. Dans les pages économie de Nouvel Horizon, le chef du bureau économique de l'ambassade du Sénégal en Espagne, Massaer Diallo, mentionne que l'Espagne est le 7e client du Sénégal et reçoit 3% de ses exportations. La Gazette met en couverture le port autonome de Dakar et son patron Cheikh Kanté, qui met la pression sur les concessionnaires et dénonce les risques d'un deuxième Diola. Car le transport de certains produits, comme le soufre, cause des préjudices aux travailleurs et pourrait virer au drame à cause de la proximité entre le soufre et d'autres produits inflammables. Je termine cette revue des hebdomadaires par saluer la naissance du bimensuel d'information de proximité, dont le titre est « Grand Yoff », qui décline dans son premier numéro sa volonté d'être au service des populations, et le bimensuel de mettre en couverture le désengorgement de la commune et fait découvrir la maison de justice et des conseils du quartier. Bon vent donc à Grand Yoff, bimensuel d'information générale de proximité. À tous, excellente semaine. Merci de m'avoir reçu chez vous. Restez sur Sud FM Seine Radio.